Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculine Division 2, Louis Saint-Laurent est avec Mégantic pour trois matchs le 28 mars. Ses adversaires, École Montignac à 9h, La Montée-Saint-François à 11h15 et Séminaire de Sherbrooke 2 à 13h30. Le même jour, dans la Ligue de soccer cadet masculine Division 3, Louis Saint-Laurent dispute trois matchs à la maison. Les adversaires, l'École Dufort à 9h, l'École Montignac à 13 et 15h.